et les causes menant à la stabilité du foyer familial. De par cette conférence, nous allons, incha'Allah ta'ala, rappeler quelques causes et moyens à mettre en pratique afin d'avoir une stabilité, une tranquillité au sein de son foyer. Et cette conférence traite de plusieurs causes très importantes auxquelles nous sommes tous concernés, que ce soit en tant qu'époux, épouse ou frères et sœurs qui font les causes afin de se marier. Tout d'abord, je tiens à souligner que cette conférence est tirée d'une allocution très profitable de Cheikh Mohamed Ghalib El-Omari. Ce cheikh fait partie des étudiants du grand savant Cheikh Obeid El-Jabiri, qu'Allah lui fasse miséricorde. La première cause que nous allons citer concernant la stabilité familiale ou la stabilité au sein du foyer, c'est la cause la plus importante et la base de cette stabilité dans le foyer. Et celle-ci, c'est la droiture dans la religion. Qu'est-ce que la droiture sur la religion? C'est le fait de se conformer aux ordres d'Allah Azzawajal et à l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ceci la clé de tout bonheur. Ou aussi on peut dire, la droiture, c'est le suivi de la parole d'Allah Azzawajal, le Coran, et le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la mise en application des actes d'adoration, c'est-à-dire des œuvres pieuses qui ont été abordées dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve de cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre. Il dit: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. La traduction rapprochée du sens ici: ceux qui ont cru, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Allah et en son messager, et n'ont point entaché leur foi de quelque association, eux seuls obtiendront la sécurité, c'est-à-dire ils obtiendront la tranquillité et la paix. Fin de la traduction. Ainsi, ici, le verset indique clairement que le tawhid, c'est-à-dire l'adoration d'Allah Azzawajal seul, sans rien lui associer, ainsi que la mise en pratique de la religion, la mise en pratique des ordres d'Allah et l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tout ceci est une cause fondamentale de bonheur et de tranquillité dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. On en déduit que le mari, ainsi que son épouse, s'il s'attache à la religion d'Allah Azzawajal fermement, alors cet attachement à la religion les mènera, incha'Allahu ta'ala, à la paix et à la tranquillité. Donc, le serviteur ne goûtera pas au réel bonheur, à la réelle tranquillité dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà sans la mise en pratique de l'islam, sans chercher la droiture dans la religion. Et également, parmi ce qui indique que la droiture dans la religion et que les bonnes œuvres sont une cause de stabilité en nous-mêmes et de stabilité dans notre foyer, il y a la parole d'Allah qui dit dans le Coran: Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et il dit, selon la traduction du sens: Par Allah, Quiconque, homme ou femme, accomplit une œuvre pieuse, c'est-à-dire une œuvre vouée sincèrement envers Allah et selon le suivi du prophète, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleurs de leurs œuvres. Fin du verset. Allah, subhanahu wa ta'ala, a informé et promis à celui qui réunit la foi, qui réunit la croyance, ainsi que les bonnes œuvres, conformes au Coran et à la Sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allah a promis à cela une vie heureuse dans ce bas monde, ainsi que la plus belle récompense dans cette vie et dans l'au-delà. Également, Allah décrit dans son livre, dans le Coran, le comportement de ses serviteurs croyants. Il dit: Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Il dit, selon la traduction rapprochée du sens, certes, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur la voie droite, les anges descendent sur eux et leur disent: ne craignez rien pour l'au-delà. Et ne soyez point affligés pour ce que vous avez laissé sur terre, et réjouissez-vous d'entrer au paradis qui vous était promis. Fin de traduction. Ceux dont Allah Azzawajal a décrit les caractéristiques et dont leurs paroles ont été mentionnées, ceux-là ont adhéré fermement à la croyance. Comment? En se conformant aux ordres d'Allah Azzawajal et en s'écartant de ses interdits. Ils se tiennent sur cette voie, sur cette droiture dans sa totalité, comme l'ont mentionné les savants. Et si l'homme dévie de cette voie droite, si il dévie du Coran et de la Sunna et ne met pas en pratique sa religion, il ne fait alors que suivre ses passions et désirs et n'est pas sincère dans son suivi aux ordres d'Allah ainsi qu'aux ordres de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu a dit dans le Coran: فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Ici, la traduction rapprochée du sens dit: mais si ils ne te répondent pas, sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Et qui est plus égaré que celui qui suit ses passions sans une guidée venant d'Allah? Certes, Allah ne guide pas les transgresseurs. Fin de la traduction. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre cette voie droite. Et c'est pour cela que nous disons chaque fois que nous récitons sourate al-Fatiha, Ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est-à-dire guide-nous sur le droit chemin. Donc, Allah a ordonné cette grande chose, qui est le fait de se tenir sur la droiture. Il a dit dans le Coran: Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Le sens rapproché ici: demeure sur la voie droite comme il te l'a été ordonné. Demeure sur la voie droite, c'est-à-dire sur la religion, comme il te l'a été ordonné. Fin du verset. Et Allah Azzawajal a également dit: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. La traduction du sens rapproché dit: telle est ma voie dans toute sa rectitude. Suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écarteraient de sa voie, c'est-à-dire la voie d'Allah. Voilà ce qu'il commande afin que vous le craigniez. C'est-à-dire voilà ce qu'Allah Azzawajal commande, ordonne afin que vous le craigniez. Fin du verset. Ensuite, une question que l'on peut se poser qui est, quelle est la relation ou quel est le rapport entre le fait d'être droit dans la religion et la vie familiale? Et pourquoi cette droiture dans la religion est-elle une source et une cause du bonheur? Il n'y a aucune divergence sur le fait que l'obéissance à Allah subhanahu est la cause de tout bonheur, et que la droiture dans l'obéissance à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam est la cause de la guider, et également la cause de l'éloignement des troubles psychologiques, sociaux et autres. Ainsi, plus la personne désobéit à Allah subhanahu et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et plus elle peut être amenée à avoir des problèmes psychologiques et sociaux. Ainsi, cela provoquera des problèmes dans son foyer familial. Mais, par conséquent, si ce foyer est fondé sur la droiture dans la religion d'Allah Azzawajal, et que les époux veillent dès le premier jour à ce que leur maison soit établie selon les ordres d'Allah Azzawajal et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en s'éloignant des péchés, des transgressions et des désobéissances, et qu'ils s'efforcent, le mari comme la femme, de faire de leur foyer un exemple de maison musulmane, dans laquelle le Coran est récité, dans laquelle le rappel d'Allah Azzawajal est évoqué, dans laquelle ses habitants persévèrent dans l'obéissance à Allah subhanahu et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, en accomplissant les obligations religieuses et en s'éloignant des interdictions. Il ne fait aucun doute que le shaytan sera le plus éloigné d'une maison fondée sur la droiture, sur l'obéissance à Allah Azzawajal et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, par conséquent, dans une maison où la droiture, où la mise en pratique de la religion faiblit et qui devient un foyer de péché et de transgression des ordres d'Allah, il ne fait aucun doute que les insufflations du shaytan et les passions de l'âme y domineront. Et ceci à mesure que ses habitants, les habitants de cette maison, s'éloignent des ordres d'Allah subhanahu et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les plus grands bienfaits qu'Allah azzawajal peut accorder à une personne, c'est de lui donner la droiture sur la religion d'Allah subhanahu, sur le tawhid, l'unicité d'Allah, sur la foi, l'obéissance et le suivi du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est pourquoi les savants disent, le plus grand des bienfaits, c'est la persévérance dans cette voie droite. La plus grande grâce qu'Allah puisse accorder à un serviteur est qu'il reste constamment dans la droiture. On a dit précédemment que la droiture était le fait de mettre en pratique les ordres d'Allah et de s'éloigner de ses interdits. Et cela ne signifie pas que l'être humain ne commet pas d'erreur, qu'il est infaillible, ou qu'il n'est pas exempt de péché et de faute. Cependant, le croyant revient toujours à son Seigneur, à Allah subhanahu, en cas d'erreur, de péché, en lui demandant pardon et en se repentant à lui seul. S'il commet un péché ou une erreur ou qu'il est pris par l'inattention ou l'oubli, cette personne s'empresse alors de revenir à Allah Azzawajal, de demander le pardon et se repentir à lui, subhanah. Ainsi, cette maison devient, incha'Allahu ta'ala, un foyer fondé sur l'obéissance à Allah en conformité avec ses ordres. Ces maisons dans lesquelles les causes sont faites afin de s'écarter des péchés, ces maisons, incha'Allahu ta'ala, sont habitées par les anges. Et les shayatins, c'est-à-dire les diables, s'éloignent de cette maison. C'est pourquoi il est rapporté dans le hadith, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les anges n'entrent pas dans une maison où se trouve un chien ou une image, c'est-à-dire des photos d'êtres humains ou animaux. Fin du hadith. Ce hadith, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, indique qu'il n'est pas permis de garder un chien dans une maison, sauf dans les cas où la loi islamique l'autorise. Et cela fait partie des péchés. Ainsi, il est recommandé à l'homme de purifier sa maison de toute impureté et de tout ce qui est en contradiction avec la religion. Car cela aide le serviteur, c'est-à-dire le fait de purifier sa maison de toute impureté, aide le serviteur à trouver la stabilité dans son foyer, à se rectifier ainsi que ceux qui vivent dans la maison. Et les maisons dans lesquelles les personnes, les habitants ne prient pas, les maisons dans lesquelles on y trouve toute forme de muharramat, toute forme de désobéissance, d'interdiction, comme l'alcool ou bien la musique, ainsi que les photos d'êtres vivants accrochés au mur, comme mentionné dans le hadith précédent, ainsi que d'autres interdits. Parmi les interdits d'Allah, ces maisons-là seront plus à même d'être habitées par les shayatins que par les anges. Ainsi, l'instabilité au sein de ce foyer prendra le dessus sur sa stabilité. C'est pourquoi, si nous méditons et réfléchissons aux paroles d'Allah, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. La traduction approchée du sens dit: Et quiconque s'attache fermement à Allah, c'est-à-dire à sa religion, à son obéissance, a certes été guidé vers une voie droite. Fin de la traduction. Ainsi, la stabilité des familles, leur bonheur et leur bien-être dépendent de leur rattachement à leur religion, dépendent de leur rattachement au Coran et à la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, l'éloignement de la religion, l'éloignement de la charia et la désobéissance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont des causes de faiblesse dans le foyer, des causes de désordre et d'instabilité, et également des causes de division et de séparation, qu'Allah nous en préserve. Par conséquent, en cas d'instabilité, de désordre dans le foyer, les gens ne devraient pas toujours se focaliser sur les causes ou les aspects matériels et financiers. Mais ils doivent en premier lieu revoir et reconsidérer leur relation avec Allah le Tout-Puissant. Revoir et reconsidérer leur relation avec leur religion, avec la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Revoir leur relation avec l'accomplissement de la prière, ainsi qu'avec le Coran. Il est également nécessaire qu'ils revoient leur comportement face aux interdits et aux péchés, afin de déterminer et d'identifier les véritables raisons, les véritables causes qui conduisent à cette instabilité, à ces conflits et à la dureté qui peut soudainement apparaître entre les membres de la famille, que ce soit entre les époux, entre les frères ou avec d'autres personnes. Ainsi, cette première cause, c'est-à-dire la droiture dans la religion, qui est-elle un fondement principal du bonheur familial? Cette première cause indique clairement que les problèmes d'instabilité dans le foyer, que tout problème psychologique et sociaux peuvent découler de la désobéissance à Allah Azzawajal et à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui peut par la suite affecter le foyer familial. Ensuite, la deuxième règle. Connaître les droits et les devoirs entre les époux est une grande cause de stabilité du foyer et de son bonheur. Dans cette deuxième cause, nous n'allons pas détailler tous les droits et devoirs des époux. Mais je vous recommande de consulter le site El Ghouraba, où vous trouverez, Inch'Allah Ta'ala, un séminaire sur le foyer musulman et le mariage. Et ce dernier aborde ces questions. Nous allons, Inch'Allah Ta'ala, expliquer en quoi connaître les droits et devoirs des époux contribue à la stabilité et au bonheur dans le couple. Ainsi, si une personne accomplit ses devoirs et prend ce qui lui appartient dans ses droits sans excéder ou transgresser, il n'y a aucun doute que cela est l'une des grandes causes de bonheur dans la famille, mais aussi dans la société en général. Cependant, notre sujet ici concerne plus particulièrement le foyer et sa stabilité. Il y a des devoirs pour l'époux et des devoirs pour l'épouse, ainsi que des droits pour l'époux et des droits pour l'épouse. Si chacun des deux époux s'y attache, cela sera alors l'une des plus grandes causes afin que leur vie soit stable et durable. Et l'accomplissement des devoirs que chacun a l'un envers l'autre, et le fait que chacun prenne ses droits, ceci est avant toute chose, c'est ce qu'il faut se dire, c'est ce qu'il faut que chacun d'entre nous se dise, ceci est avant toute chose pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est une adoration. La femme doit s'acquitter des devoirs qui lui incombent et ne doit pas essayer de s'en défaire ou de s'y soustraire et s'en échapper. Le mari, quant à lui, doit également être conscient de ses obligations envers son épouse, envers ses enfants, en termes de subsistance, comme les vêtements pour sa femme et ses enfants, de dépenses et en termes de logement. Il se doit de connaître les droits de son épouse en ce qui concerne la vie conjugale et il doit veiller à ne pas négliger ni se défaire de ses devoirs. Ainsi, l'essentiel ici est de se rappeler constamment qu'Allah le Tout-Puissant nous observe, nous voit et nous entend. Il convient donc à l'époux de remplir ses devoirs envers sa femme et de lui donner ses droits. Et il incombe à l'épouse de remplir ses devoirs envers son mari et de lui donner ses droits. Et que tous deux veillent à accomplir leurs responsabilités tout en faisant preuve de bienveillance, de compréhension et de pardon en cas de manquement. Et ceci sera évoqué, Inch'Allah Ta'ala, dans la suite de la conférence. Donc, parmi les plus grandes raisons de l'instabilité dans la famille, le fait d'ignorer les droits et les devoirs que chacun des époux a l'un envers l'autre. La personne, lorsqu'elle ignore ce qui lui est obligatoire, ce qui lui incombe comme droit et devoir, il n'y a alors aucun doute que cette ignorance conduit à la division, à l'instabilité et la dureté. Nombreux parmi les époux et épouses se plaignent de ne pas obtenir leurs droits. Les épouses se plaignent du fait que le mari ne remplit pas ses devoirs, que ce soit envers les enfants, envers son épouse ou en matière de subsistance ou d'autres responsabilités. Lorsque tu remplis tes obligations envers ton épouse, ô l'époux, sache qu'en premier lieu, à travers ceci, tu te rapproches de ton Seigneur, tu te rapproches d'Allah le Tout-Puissant, qui dit dans le hadith al-Qudsi: Wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi. En français: Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose plus aimée que par le fait d'accomplir ce que je lui ai ordonné. Fin de citation du hadith al-Qudsi. Les devoirs des époux l'un envers l'autre fait partie des obligations qu'Allah Azzawajal nous a ordonnées. Et comme dit dans le hadith al-Qudsi cité précédemment, la mise en pratique des obligations et devoirs, c'est ce qui est le plus aimé auprès d'Allah. C'est pourquoi les savants disent: on tire profit de ce hadith que l'accomplissement des obligations est l'une des œuvres les plus aimées d'Allah Azzawajal. Fin de citation. Et parmi les plus grandes obligations également, il y a l'abandon, c'est-à-dire le délaissement des péchés et des interdictions. Et parmi les désobéissances et péchés, le fait de ne pas accomplir ses obligations. Et certes, le fait de ne pas accomplir les devoirs et obligations que chacun des époux a envers l'autre, ceci est interdit. Et c'est une désobéissance à Allah. Et certes, Allah Tout-Puissant a ordonné aux gens le délaissement des péchés et désobéissance. Et parmi les péchés, c'est que chacun des époux ne remplisse pas ses devoirs et obligations envers l'autre. Et c'est pour cela qu'il a été rapporté d'Omar, qu'Allah l'agrée, qu'il a dit: les meilleures des œuvres sont le fait d'accomplir ce qu'Allah a ordonné et de délaisser ce qu'Allah a interdit. Et la sincérité de l'intention auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la troisième cause ou le troisième moyen qui mène à la stabilité du foyer, cette cause ici est liée au commencement de la vie familiale. Et celle-ci, c'est choisir correctement, ou on peut dire bien choisir son époux ou épouse, est la cause de la stabilité et de la continuité du foyer. Le bon choix de l'époux ou l'épouse est une question de grande importance. C'est pourquoi il est venu dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la femme est épousée pour quatre choses: pour sa richesse, pour son rang social, pour sa beauté, et la quatrième, il a dit, et pour sa religion. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en disant: choisis celle qui a la religion, c'est-à-dire choisit la femme qui a la piété, qui a l'attachement à cette religion. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un autre hadith, la vie d'ici-bas est une jouissance temporaire. Et la meilleure de ces jouissances est la femme pieuse. Fin du hadith. Dans ce hadith, il y a la recommandation et l'incitation à rechercher une femme pieuse, car elle est le meilleur bien de ce monde. Il est donc conseillé aux hommes doués de raison saine de rechercher la femme pieuse, afin de mener une vie épanouissante et stable en lien avec la vie de l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son conseil envers les femmes, si quelqu'un dont vous êtes satisfait de son comportement et de sa religion, de sa piété, se présente pour un mariage, alors mariez-le. Si vous ne le faites pas, il y aura des troubles sur terre et une grande corruption. Fin du hadith. Bien sûr, ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'adresse au tuteur de la femme, quand il dit « mariez-le ». Et ceci doit être avec le consentement de la femme. Dans ce hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a incité la femme à choisir un homme de bon comportement, un homme pieux. Dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, dont vous êtes satisfait de son comportement et de sa piété. Et la femme pieuse fait partie du bonheur. Comme il a été rapporté dans le hadith, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Min as-sa'adati al-mar'atu salihah, taraha fatu'jibuk. وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi le bonheur, parmi les sources du bonheur, la femme pieuse, qui lorsque tu la vois, elle te plaît, elle te réjouit. Et c'est qui, lorsque tu es absent, tu es confiant et rassuré dans le fait qu'elle préserve sa chasteté et qu'elle préserve tes biens. Fin du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit Tazawwajul wadud al-walouda inni mutakathirun bikum al-anbiya'a yawm al-qiyamah. Le prophète a dit ici épousez les femmes affectueuses et féconde, car je me réjouirai de votre grand nombre devant les autres communautés le jour du jugement. Le prophète dit également dans un autre hadith, ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'un de vous ait un cœur reconnaissant, une langue qui se rappelle Allah Azza wa Jal, qui invoque Allah, et une épouse croyante qui l'aide dans ses affaires liées à l'au-delà. Fin du hadith. Voici comment la fondation de la famille doit être. Ce à quoi les époux doivent accorder la plus grande attention avant de faire leur choix, c'est de regarder la religion, de regarder la piété du futur époux ou de la future épouse, regarder sa droiture dans la religion ainsi que son comportement. Ainsi, le début de cette fondation reposera, incha'Allah ta'ala, sur de bonnes bases. Cependant, il y a des points importants à prendre en compte. notamment certaines qualités et certains critères que certains pourraient exiger, mais qui ne se retrouvent presque que chez les femmes du paradis. Cela inclut l'exagération dans les conditions, tout comme la femme peut également exagérer dans ses conditions. Si Allah, Subhanah, t'a accordé la grâce de trouver une épouse pieuse et obéissante, en plus de ce qui t'attire en elle par sa beauté, alors ceci est une chose souhaitable et demandée. Et peut-être qu'en ayant délaissé pour Allah de nombreux critères auxquels les gens attachés à cette vie d'ici-bas accordent de l'importance, peut-être qu'en ayant délaissé ceci pour Allah, alors Allah mettra de la baraka, de la bénédiction dans ta future épouse et dans ta famille, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: Man taraka shay'an lillah, awwadahu Allah khayran minhu. En français, il dit: Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah le lui remplacera par quelque chose de meilleur. Et il en est de même pour la femme, qui délaisse certains critères et certaines conditions auxquelles les gens attachés à cette vie d'ici-bas accordent de l'importance. Allah mettra la bénédiction dans son futur époux, dans son futur mari, ainsi que dans sa famille, Inch'Allah ta'ala. Donc, regardons quels sont les critères que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés et recommandés pour faire un choix, pour faire le bon choix. Car cela constitue l'une des principales raisons de la continuité et de la stabilité au sein du foyer. Et cela contribue également à l'obéissance à Allah azzawajal, ainsi qu'à l'entraide dans le bien, l'entraide dans la piété et la crainte d'Allah entre les époux. Donc, la femme qui veille à préserver sa pudeur, sa chasteté, qui est assidue dans sa prière et en prend soin, qui est assidue dans son jeûne ainsi que dans son attachement au livre d'Allah, au Coran, de par la lecture et sa méditation, alors cette femme est parmi les meilleures des femmes. Et il n'est pas obligatoire ni indispensable que la femme mémorise des textes religieux ou lise des livres volumineux. Mais ce qui est nécessaire, c'est qu'elle se préserve, qu'elle préserve sa pudeur, qu'elle reste attachée à sa religion. Ce qui est nécessaire également, c'est qu'elle préserve son mari et prenne soin de lui ainsi que de ses affaires, de ses biens et de son foyer. Et il ne fait aucun doute que ses qualités et ses critères mentionnés précédemment sont parmi ce qui doit être les plus recherchés chez une femme. Et c'est bien sûr ceci qui doit réellement être recherché chez une femme. De même, une femme doit choisir un mari de bonne religion et qui a de bons comportements. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un dont vous êtes satisfait de la religion et du comportement se présente à vous, alors mariez-le. Fin du hadith. Et combien de relations familiales ont été fondées sur la beauté uniquement? Ou sur l'argent et la richesse, ou encore sur le statut social. Mais malheureusement, ces relations ont fini par échouer et ont mené à la séparation. On en déduit que ces critères ne sont donc pas ceux que nous devons prendre en considération. Ainsi, l'homme comme la femme, s'ils placent leur confiance en Allah subhanahu dans leurs affaires d'ici-bas, comme le mariage, et qu'ils mettent en application les ordres d'Allah et les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le choix du futur mari ou de la future femme, alors Allah subhanahu mettra la bénédiction dans leur vie, insha'Allahu ta'ala, ainsi que dans leur foyer, et les comblera de ses bienfaits. On reprendra la suite de cette conférence demain, insha'Allahu ta'ala. Et je demande à Allah, subhanahu, de faire de nous ceux qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Et je lui demande de nous accorder de bons comportements et de nous écarter des mauvais comportements. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.